C'est moi. C'est moi. C'est dans ma tête. C'est moi. C'est moi. C'est dans ma tête. Mais qui c'est ce MC trop à l'aise? Sous un truc en Ricky. C'est moi. C'est dans ma tête. Mais qui c'est ce MC trop à l'aise? Sous un truc en Ricky. C'est moi. C'est dans ma tête. Dans ma tête c'est gravé, ouais. Que l'homme de principe faut la vie, jette le pavé, ouais. Dans ma tête tout va trop vite. Plus je monte, plus je gagne, plus des bâtards me profitent. Dans ma tête c'est explose comme Hiroshima. C'est dans mon crâne, ouais. Vas-y viens que je te fasse un schéma. Dans ma tête le dessin sera en brouillard. Pourtant débrouillard, mais nos avenirs sont dans le noir. Dans ma tête, ouais. C'est l'état qui nous bloque. C'est partout la défaite, on reste coincé dans nos blocs. Dans nos têtes, on se laisse aller par le vent. Attiré vers le fond pour en perdre la raison. Dans ma tête, c'est la merde qu'on bombarde chez moi. Comme dit mon poteau, c'est art. Arrête de dire que ça dépend. Dans ma tête, c'est triste comme dans une cellule. Personne ne sait ce qu'il y a. Dans ma tête, c'est tout dans tes câblages. J'peux pas tourner la page. J'avance avec la. Je reviens de gaz et déjà des bafons, des favelas. C'est tout en décalage. Quand je tire, je prends la rime calage. C'est tout en décalage. Quand je tire, ça fait. Microphone, j'arrive en ce fort. Bah ouais, j'suis tout seul, personne m'a ouvert la deux bords. J'ai pas eu de piston, tout seul dans mes missions. J'ai pas encore percé, pas ma gueule dans vos émissions. C'est mon baracoma et tout en décalage, ouais, ouais. C'est 39-4 comme la violence d'un braquage, yeah. C'est pour mes équipes qui ont la bague au cul. Tu veux savoir tous les plats, mais dis-moi de quoi je m'occupe. Ma fonction, dire au ce que nous pensons. R.A.P. du bon son, dédié pour les parfums. Mes rimes font le bon son, dans le ring nous pensons. Ouais, je sais que t'as le seul, même ta meuf est avant. C'est tout dans tes câblages. J'peux pas tourner la page. J'avance avec la rage. Oui, c'est moi la sous-très vélage. J'reviens de gaz et déjà des bafons, des favelas. Mon bac, j'avance avec la rage. Avec la rage, j'arrache à chacun de mes passages. Mes passages. Mon bac, j'avance avec la rage. Avec la rage, j'arrache à chacun de mes passages. Mon bac donne naissance au rap qui motive. Dans ce milieu, j'arrive sans motif, ouais. Nique sa mère trop, j'dois rien à personne, non. Le faux d'acier, j'ai la voix qui sonne comme personne, ouais. Parce que mes textes donnent la gouache. J'me donne à 100% pour que mon style arrache, ouais. Mon bac 2008, la nouveauté. Mon combat, tire au peuple d'aller voter. On bat de la pente, on fait nos prières en espérant qu'on s'en sort de toute cette merde. L'œil on dort pas sur nos deux oreilles. On prend l'âge de la mort qui peut retirer notre éveil. Mon chemin avance pas, ça pas. J'arrête pas, je suis pas du 4x4. Je me la raconte pas, je me la bête pas. Mes ennemis sont la face, je fais rien pas. Dans ma tête, dans ma tête. Dans tes câbles, en tes câbles. Je peux pas tourner la page. Je peux pas la tourner. J'avance avec la rage. Oui, c'est moi la sous-très village. Je reviens de gaz et déjà des bafons, des favelas. Oui, c'est moi là, c'est très fait là. Je reviens de Gazidja, des fins fondes, des favelas.